Chapitre 14e, morte. Il faisait jour depuis longtemps lorsque Martin Thibault remarqua, non sans étonnement, que les volets du château étaient encore fermés. Brigitte, en effet, comme toutes les filles de la campagne, avait l'habitude de se lever de grand matin. Une demi-heure s'écoula, et la vieille servante ne paraissait pas, et aucun bruit ne se faisait entendre à l'intérieur. « Il y a quelque chose d'extraordinaire, bien sûr, » se dit Martin. Il se mit à frapper à coups redoublés à la porte. Personne ne répondit. Il frappa de nouveau. Une fenêtre s'ouvrit, et la tête du baron apparut couverte du madras qui formait sa coiffure du matin. « Qu'y a-t-il ? » s'écria le vieux gentilhomme. « Et que veux-tu ? » « Il y a, monsieur le baron, » répondit le cocher, « que Brigitte fait la grasse matinée aujourd'hui. Je frappe depuis un quart d'heure, et j'ai beau frapper, elle ne m'ouvre pas. Je descends, » dit monsieur de Lavernet. Il quitta sa fenêtre, descendit et ouvrit à Martin Thibault. « Monte à la chambre de Brigitte, » lui dit-il, « et informe-toi de la cause de sa paresse. » Martin revint quelques instants après. « Eh bien ?» demanda le baron. « Il m'a fallu la secouer rudement pour l'éveiller, monsieur, » répondit le cocher en riant. « Figurez-vous qu'elle dormait comme une planche. Et tenez, la voilà qui arrive en marchant tout de travers et en se frottant encore les yeux. » Brigitte, en effet, avait les yeux gonflés comme ceux d'une personne brusquement arrachée à un profond sommeil. « Que signifie cela ? » fit M. de Lavernet avec humeur. « Comment ? Il est 8 heures et vous n'êtes pas à l'ouvrage ?»« Ma foi, monsieur, je ne sais pas ce que j'ai eu, » répondit la vieille servante. « Mais hier soir, je me suis endormie comme une souche et je dormirais encore si Martin ne m'avait pas éveillée. »« Allons, réparez le temps perdu, » reprit le baron. « Préparez mon café et le chocolat d'Athénaïs. » Brigitte s'éloigna en se secouant comme pour se débarrasser de sa torpeur. « Drôle de sommeil tout de même, » murmura-t-elle en allumant le feu. « Jamais de ma vie je n'ai dormi autant. » Un quart d'heure après, le vieux gentilhomme, attablé dans la cuisine suivant son habitude de chasseur, se servait son café, le sucrait et le dégustait avec son calme ordinaire. Rien n'était changé, ni dans ses allures, ni dans son maintien. Il sortit ensuite et alla visiter son chenil. Le chocolat d'Athénaïs était prêt, mais Brigitte n'entrait chez sa maîtresse que lorsque la sonnette l'appelait. 9 heures arrivèrent, et rien n'indiquait que mademoiselle Athénaïs de Lavernet fût réveillée. Ce retard surprit la brave fille, mais sans l'inquiéter encore. À 10 heures, aucun coup de sonnette ne s'était fait entendre. Brigitte s'approcha de la porte d'Athénaïs et écouta. Un profond silence régnait dans la chambre à coucher. Agitée par une crainte vague, la vieille servante frappa d'abord tout doucement, puis plus fort, puis à grands coups. Toujours le même silence. Alors, n'y tenant plus, elle ouvrit la porte et se précipita dans la chambre de sa maîtresse. Les volets étaient fermés et la chambre dans une obscurité complète. « Mademoiselle !» criait Brigitte. « C'est moi ! Pour l'amour de Dieu, répondez !» Personne ne répondit. Brigitte, affolée, courut à la fenêtre, ouvrit les volets, et le jour entra à flot dans la pièce. Athénaïs, immobile dans son lit, semblait dormir. Mais chose étrange, ses yeux, au lieu d'être fermés, étaient tout grands ouverts, et sa face pâle avait une expression d'indicible épouvante. Brigitte prit une des mains de mademoiselle de Lavernet, et cette main était rigide et glacée. Saisie de terreur, elle poussa un cri terrible. Ce cri était si formidable que le baron et Martin Thibault, qui se trouvaient en ce moment dans la cour, l'entendirent. « Qu'y a-t-il donc, monsieur ? » dit le cocher en faisant soubresaut. « N'avez-vous pas entendu crier ?»« En effet, » répondit le vieux gentilhomme, « allons voir sur le champ ce qui se passe là-bas. » Ils se dirigèrent vers la cuisine et ils entrèrent. Brigitte n'était point dans la cuisine. « Montons, » fit Martin tout tremblant. « Montons, » répéta le baron impassible. Et il suivit Martin. Arrivé devant la porte entrouverte de la chambre à coucher d'Athénaïs, le cocher recula. Il venait d'apercevoir Brigitte étendue sans mouvement auprès du lit de sa maîtresse. « Monsieur, monsieur » dit-il d'une voix étranglée, « Brigitte est morte. »« Morte ?» répliqua M. de Lavernet en s'avançant. « Et mademoiselle est morte aussi !» continua Martin avec effarement. La vieille servante, succombant à son émotion, était tombée sans connaissance, tenant dans sa main crispée la main glacée d'Athénaïs. « Vite, prends un cheval !» dit le baron, et court chercher le médecin. Peut-être ma pauvre sœur et Brigitte ne sont-elles qu'évanouies. Pendant ce temps, je verrai si je puis les faire revenir. Martin Thibault s'élança hors de la chambre pour exécuter l'ordre qu'il venait de recevoir.